Tractopelle du jour. Voilà, tractopelle du jour. Merci, oui, Marc. Est-ce qu'on peut monter le son? Oui. 29 secondes de tractopelle. C'est bon, je fais d'où je... Ça participe de l'ambiance du tractopelle. Vous êtes parti, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a plus que 7 auditeuristes à la radio. Sniff.